Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Oreilles du Monde présentée par l'association Les Mondes de l'Utopie. Il est 10h du matin et nous sommes le jeudi 11 avril. Avec nous aujourd'hui, Nanou. Bonjour Camille. Alors Nanou, elle va nous présenter un peu l'émission d'aujourd'hui, après la fin de notre petit jingle, et puis on commencera l'émission. Salut Nanou. Coucou. Alors nous restons aujourd'hui dans notre thématique les trans du monde et je vous propose de partir à la découverte des sonorités aux influences chamaniques du massif montagneux de l'Altaï, qui va de la Sibérie au Kazakhstan. Nous commencerons par la Sibérie pour ensuite découvrir les champs de gorge de la République de Touva, qui se situe entre la Sibérie et la Mongolie, donc à l'extrême sud de la Sibérie. Puis nous continuerons de suivre l'Altaï pour finir au Kazakhstan avec un groupe d'ethnofolk mêlant instruments chamaniques kazakhs et mongols et chants de gorge. Ensuite, Camille nous ouvrira les portes des sonorités et rituels tamouls. Eh bien, je vais commencer par un petit rappel. Le chamanisme est considéré comme le plus vieux système thérapeutique du monde. L'art du chaman repose essentiellement sur des techniques d'altération de la conscience permettant d'atteindre des états modifiés de conscience, ce qui lui permet après de communiquer avec les esprits. La transe, qui est un état modifié de conscience, est obtenue à l'aide de danses, de sons et de litanies chez les peuples du Grand Nord, comme aujourd'hui. Les plantes hallucinogènes sont utilisées par les peuples des milieux tempérés et chauds. Dans le Grand Nord, les chants et les danses rituelles invoquent surtout les esprits de la nature pour les peuples chasseurs-cueilleurs et pour les peuples qui se sont sédentarisés. Les esprits des ancêtres sont aussi appelés. Voilà. D'accord, merci pour la petite note, Nanou. Donc, nous sommes au nord-est de la Sibérie, entre l'océan Arctique et la mer de Bering, chez les Yakouts, un peuple à la culture turco-mongole. C'est un peuple semi-nomade, éleveur de gros bétail et chasseur, à la religion animiste. Les animistes, ce sont les peuples qui croient que chaque élément naturel a une conscience, a un esprit, donc comme les pierres, les arbres, les fleurs, l'eau aussi. Donc, c'est un peuple à la religion animiste et chamanique, qui pratique chants et danses rituelles par des célébrations printanières, de chasse, de pêche ou de mariage. Je vous propose, pour découvrir la culture musicale de ce peuple, les Yakouts, un groupe, donc le groupe Aïlgan. Le titre de la chanson, c'est « Les enfants de la nature », où est-ce que vous entendrez beaucoup de sonorités de faune et de flore de la Sibérie. Yeah. C'était le groupe Ailgan. Le titre de la chanson et de la danse « Les enfants de la nature », où vous avez pu entendre Comus, plus communément appelé la guimbarde, les tambours et du chant, ce qui fait principalement, enfin, ce qui est principalement le moyen d'expression musicale du peuple Yakout. En deuxième temps, je vais vous faire écouter un autre groupe. Donc cette fois-ci, c'est une danse rituelle Osuokai avec un tambour chamanique. Donc c'est une danse rituelle de pêche. Vous y entendrez aussi tambour, chant. D'accord, merci Nanou, on écoute tout de suite. Yeah. Vous venez d'écouter deux chants et danses rituelles du peuple Yakout, donc un peuple semi-nomade. C'est pour cela que le chaman invoque encore les esprits de la nature. Donc vous avez pu entendre des interprétations d'animaux, d'eau, de vent. Alors moi j'ai eu le privilège de voir la vidéo en même temps. Eh ben, merci Camille de rebondir. Je précise que qu'il y a deux vidéos sur YouTube et que je les mettrai sur la page Facebook des Mondes de l'Utopie. Comme ça vous pourrez les visualiser. Oui, parce que les chorégraphies c'est à voir, parce que c'est... Peut-être que le son comme ça paraît un petit peu loufoque, mais avec la vidéo, les costumes et tout ça, la danse, c'est très joli à voir. Je vous invite vivement à les regarder à partir de la fin d'après-midi d'aujourd'hui. Ouais, voilà. Sur notre page Facebook, Les Mondes d'Utopie. Maintenant, je vais vous amener dans le sud de la Sibérie, chez les Tungus. Donc encore aujourd'hui, le chamanisme et la chasse influencent énormément la culture Tungus, qui est de religion bouddhiste et chamanique. Et ce sont des éleveurs de rennes. Je vous propose d'écouter un chant chamanique d'une chamane Tungus Nanaï qui demande le lever du soleil et prie cet astre pour accorder le bonheur à son clan pour toute la journée qui vient. Elle frappe un tambour et porte une ceinture chamanique avec des pinces en fer qu'elle fait teinter au rythme de ses hanches. Je précise qu'après cette musique, nous aurons droit... À des musiques aux influences chamaniques plus modernes et plus rythmées. Voilà. On écoute tout de suite. C'était un chant traditionnel purement chamanique que j'ai eu la chance de retrouver sur YouTube, sur un disque maintenant en CD qui était sorti dans les années 70-80. Encore une fois, toutes les références sur notre page Facebook. Je vous amène à présent dans la République Touva, à l'extrême sud de la Sibérie et au nord de la Mongolie. Donc c'est un peuple turcophone où le chamanisme cohabite avec le bouddhisme au quotidien. Je précise que le chamanisme a été interdit à l'annexion du pays à la Russie dans les années 30-40 jusqu'à la chute de la RSS dans les années 90. Depuis, le chamanisme refait surface sous une nouvelle forme dans les grandes villes où des personnes diplômées la journée, comme des juristes par exemple, prennent leurs vêtements de chaman le soir pour un mode thérapeutique. Eh bien, dans la République de Touva, je vous propose de découvrir le komi, un chant de gorge, appelé aussi le chant diphonique, qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2010 pour la Mongolie. Originaire de l'Altaï, ces chants étaient utilisés pour la transmission orale de la culture et aussi pour les rituels et cérémonies chamaniques. À savoir que les avis des ethnomusicologues divergent sur le fait que ces chants étaient utilisés en cérémonies chamaniques. Car certains disent qu'il n'y a pas de véritable référence pour certifier qu'ils étaient réellement utilisés en cérémonie chamanique. Cependant, dans la culture populaire et encore aujourd'hui, le komaï est souvent accompagné d'instruments et rythmes chamaniques. Donc c'est ça aujourd'hui que je vais vous faire découvrir. C'est cette transmission. Eh bien, je vous propose, dans un premier temps, de découvrir le groupe Altaïkaï, donc qui vient de l'Altaï, avec le titre Onyo Onyo. Donc vous y entendrez des percussions, de la guimbarde, des chants de gorge, des luths et des vielles. On a hâte. C'est parti ? C'est parti pour la découverte. Allez. Yeah. C'était Ogno Ogno du groupe Altai Kai, où vous avez pu encore une fois entendre des interprétations de bruits de la nature et d'animaux. Oui, celui-là était plus rythmé, effectivement. Pardon ? Celui-là était plus rythmé, effectivement. Ah oui, maintenant, je vais y aller sur des musiques rythmées, parce que j'entends bien que les rituels chamaniques, c'est un petit peu répétitif et ça peut endormir. Donc, nous continuons avec le même groupe. Et cette fois-ci, c'est une chanson... C'est une chanson qui fait un hymne à l'eau du printemps, donc à la fonte des glaces. Excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal à m'exprimer. Donc c'est un hymne à la fonte des glaces et à l'eau qui coule pendant le printemps. Altai Kai, Kapashi. On y va. Thank you. Vous êtes toujours en direct de la radio Guémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. On poursuit avec toujours le thème des rituels chamaniques et des trans nanou. Une petite précision sur le komaï, donc ce chant de gorge que vous venez d'entendre et que vous entendrez aussi sur le prochain groupe. Donc c'est un chant diphonique de la musique mongole, originaire de l'Altaï, où nous sommes aujourd'hui, basé sur un son fondamental, le bourdon, qui se fait dans la gorge, sur lequel, grâce au placement des lèvres ou de la langue, des harmoniques viennent s'ajouter pour former une mélodie. Il y a le komaï aigu ou sifflé, qui se nomme le sigit, et le komaï profond ou grave, qui est un son de poitrine, qui se nomme le karkira. Voilà pour la petite histoire. Ce qui vous permettra peut-être d'être plus attentif lors de notre prochain groupe à ces sons de gorge qui sont impressionnants. Et encore une fois, toutes les vidéos seront visibles sur YouTube. Donc vous pourrez vraiment voir le placement des lèvres des musiciens. Parce que c'est assez technique. Oui, c'est carrément technique. Alors, prochain groupe, je vous propose Un-Our-Tou, un groupe de la République de Touva qui utilise, comme le groupe précédent, des instruments chamaniques et aussi qui a une forte influence dans ses chants et dans ses rites musicaux. Une grande influence chamanique. Et voilà, Un-Our-Tou avec Shirakor. C'est parti. Thank you. Eh bien, j'espère que cette découverte des chants de gorge vous a plu, avec les instruments traditionnels de Mongolie et de la République de Touva, comme les luths, les flûtes et les tambours. Et nous finissons notre voyage au Kazakhstan, où, comme en République de Touva, le chamanisme a été interdit sous l'indexion du pays à l'ex-URSS, jusqu'en 1990. Maintenant, le chamanisme cohabite avec l'islam, et le ou la chamane musicien-musicienne se nomme le ou la Baksi. Je vous propose de découvrir un groupe d'ethnofolk mêlant chant de gorge, kobiz, le kobiz qui est l'instrument traditionnel du Baksi, donc du chaman kazakh. C'est une vielle avec deux cordes et double caisse de résonance et qui fonctionne avec un archer. Il y aura aussi le komus, donc la guimbarde, l'ouildek, une flûte, et le dombra, une vielle à deux cordes, et avec un tambour qui se nomme le dabil. Donc ce groupe se nomme Ethnofolk Touran Ensemble, groupe de jeunes personnes, moins de la quarantaine, qui mêlent chants de gorge et instruments chamaniques, au rythme extrêmement chamanique aussi. Donc c'était une jolie découverte pour moi et nous commençons avec un premier titre, Air Touran. Туран жаратылган дана туран бала туран котка Belle découverte, n'est-ce pas Camille ? Ah oui, j'aime beaucoup moi. J'ai oublié de préciser qu'il y avait aussi de la sitar, mais vous pourrez le voir bien sûr sur les vidéos que l'on mettra en ligne. Donc c'est parti pour un deuxième titre de ce même groupe qui se nomme Kazakh Land, donc la terre des Kazakhs. C'est Kazakh parti. Moi j'ai Kazakh Eli. Eh ben... Ça doit être ça ? Oui. Allons-y. On essaie. Bien. Самай өтпендер мына өлке мына аймақ бұл маңда құлшылық етем тұрғанға құлшылық етем құмдарға тағзым жасайым қырларға шүкірлік етемін қашанда осы бір отанда тұрғанға жазы бар жалынмен жандырған қысы бар аязға қардырған Көктемі балауса балдырған Ал күзі, ал күзі алып бірақ қырман Көлденен көлбеген көк жие Қыранның қанатын талдырған Бай, бай, бай Киелін еткен жер Бай Prochain titre que je vous propose de découvrir du groupe ethnofolk Touran Ensemble est Chaman. Yağdayım inşallah, espastayımın bismillah. Tayğak keçu tar jolda jarılqa Allah ver. Notre voyage sur le massif montagneux de l'Altaï prend fin. Donc, où vous avez pu découvrir des chants rituels de Sibérie, le chant de gorge Komaï de la République de Touva, pour enfin terminer avec une pointe plus orientale au Kazakhstan avec le groupe d'ethnofolk Ensemble Touran. Et je vais maintenant laisser la parole à Camille qui va nous ouvrir les portes des sonorités et rituels tamouls en Inde, donc un petit peu plus au sud et à l'ouest. Merci Nanou. Donc effectivement, moi je me suis penchée sur le monde indien. Donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de religions présentes là-bas et donc différents cultes également. Donc dans la religion dharmique, on trouve l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le jaïnisme. Alors il y a des noms que je ne connaissais absolument pas, comme aussi le zoroastrisme. À se renseigner. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc il y a l'islam, le christianisme et bien d'autres. Et donc moi, je me suis intéressée particulièrement d'abord au culte tamoul. Donc, qui est une communauté indienne, et en particulier au rituel de la marche sur le feu, qu'on appelle aussi Pirobasi. Hein. Donc c'est pas un phénomène nouveau, puisqu'elle fait partie de la culture de l'homme depuis bien longtemps, donc en Inde depuis plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il y a aussi des traces en Grèce, en Bulgarie, enfin voilà, plus dans les pays de l'Est aussi où ça se faisait. Et donc, elle fait partie intégrante des rituels magiques et religieux de nombreuses cultures. Donc cette tradition consiste à montrer la force de l'esprit sur le corps, ainsi que celle de l'énergie collective, puisqu'elle se fait en groupe avec des chants et des danses. Donc voilà, il y a le mouvement collectif qui fait que on se sent probablement plus fort. Et donc c'est dans cette expérience communautaire, donc c'est une manière de montrer sa foi en les énergies et les esprits de la nature. Donc alors, rassurez-vous, c'est pas si dangereux que ça, parce que je me suis renseignée là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, mon Dieu, la marche sur le feu !» Bon, après, c'est vrai qu'il y a des risques, c'est évident. Mais comme le charbon a une faible capacité calorifique et mauvais conducteur, il retient moins la chaleur. Donc si on marche assez vite, de plus, en fait, il passe les pieds dans un bain avec un mélange de plantes. Alors, j'ai pas réussi à savoir qu'est-ce qu'il y avait exactement dedans. Mais du coup, aussi, ça permet aux pieds de passer sans avoir trop mal, quoi. Donc j'ai pensé aussi au tamoul, puisque à La Réunion, il y en a énormément. Il y a une grosse communauté tamoul à La Réunion, donc qu'on appelle les Malbars. Et donc eux, donc ils font le rituel au mois de décembre, janvier, il y a des marches sur le feu partout, quoi. Et donc ces rituels-là, donc c'est un univers très coloré, avec l'utilisation, ils utilisent des plantes, du bois à brûler, enfin voilà, il y a tout un tas de rituels, ça peut durer très longtemps. Et donc c'est en ça que voilà, il y a aussi un rapprochement avec la transe, c'est que il y a toute une préparation psychologique, il y a l'effet de groupe, il y a des tambours, il y a des clochettes, voilà, il y a tout un tas de choses qui rapprochent de la transe. Donc avec ça, je vais amène peut-être à un état modifié de conscience. Sûrement, Pour avoir le courage après de marcher, d'oser marcher, entre guillemets, sur le feu. C'est ça, parce que finalement, il y a aussi beaucoup l'esprit qui joue, hein, à savoir réussir à déplacer son attention ailleurs que sous ses pieds et à la douleur. Donc voilà, il y a aussi cette chose-là qui est importante de noter. Et d'ailleurs, ils font, les tamouls, aussi beaucoup de marches sur les sabres. Alors comme ça, oui, ça paraît un petit peu foufou, hein, dans les temples, il y a tout un tas d'instruments un peu bizarroïdes, mais c'est super coloré, et je pense que c'est à voir. J'ai pas eu l'occasion de voir ça. Mais... Donc moi, je vais vous faire écouter là tout de suite une musique. Alors c'est plus à la base une vidéo de présentation d'une cérémonie, quoi. Donc en fond, il y a les tambours, les clochettes, tout ça, et puis ils ont mis un petit peu de musique trad indienne par-dessus pour valoriser un peu. Parce que c'est vrai que la musique chamanique dans ces cas-là, c'est des tambours, des clochettes, donc c'est assez, on va dire, répétitif. Donc voilà, je vous laisse écouter Mahakali Puja. Vinodini Nandanu Te. யாவருக்கும் பேராதரவாய் என்னாலும் மாதரசி என்று வாழ்த்துகின்ற மாரியம்மன் சீதரனார் தங்கை சிறப்பான தாலாட்டை காதலுடன் ஓத கணபதியும் காப்பாமே முந்தி முந்தி விநாயகரே முக்கண்ணர் தன் மகனே கந்தருக்கு முன் பிறந்த கற்பகமே முன்னடைவாய் வேலவர்க்கு முன் பிறந்த விநாயகரே முன்னடைவாய் வெம்படியிற் பிள்ளையாரே விக்கினரே முன்னடைவாய் காரணம் ஆழ்மருகா கற்பகமே மெய்ப்பொருளே பஞ்சஞ்சு மெல்லடியாள் பார்வதியே புத்திரனே தாழ்வில்லார் சங்கரன் Et voilà pour cette musique qui mettait un petit peu de couleur sur le thème là. Donc ensuite moi je suis allée au Kerala. En fait je suis tombée là en cherchant un petit peu sur internet, je suis tombée sur un rituel du Teyam, donc qui est assez unique d'ailleurs. Et donc c'est un rituel qui permet la communication entre les hommes et les dieux. Donc en fait c'est un rituel, on ne sait pas trop depuis quand il existe. Mais en tous les cas, donc ça se fait qu'au sud du Kerala, donc qui est un état au sud-ouest de l'Inde. Et donc c'est un danseur qui est formé depuis le plus jeune âge, qui se couvre le corps de peinture. Donc c'est surtout sur des tons orange, rouge, avec des dessins un peu tribaux comme ça. C'est super joli à voir. Et donc des vêtements très colorés, d'une coiffe élaborée, donc voire même disproportionnée, parce que là, je sais pas combien ça pèse, mais il a une paire de kilos sur lui, le danseur. Et donc il exécute une danse et donne quelques offrandes pour inviter un dieu hindou à venir en lui. Donc en fait c'est un rituel où voilà, donc il y a le dieu qui rentre en lui, et à ce moment-là les gens du village peuvent communiquer avec le dieu à travers sa propre personne. Donc ils viennent leur poser des questions sur un peu tout et n'importe quoi, j'imagine, et donc cet homme peut donner des réponses. Donc il est considéré évidemment comme un dieu aux yeux des villageois, hein, et donc c'est des cérémonies qui peuvent durer jusqu'à 24 heures. Vaut mieux qu'ils soient entraînés, le jeune homme. Depuis l'enfance, oui, vaut mieux qu'ils soient entraînés depuis l'enfance, tu m'étonnes. Et donc, ils construisent une espèce, comme on pourrait dire chez nous, une grosse chavande, qu'ils mettent à feu, donc. Et puis, à la fin de la chavande, il y a aussi un rituel où ils jettent une espèce de poupée. Alors, j'imagine qu'elle symbolise tout ce qui peut être de négatif. Alors, ils la jettent dedans, ils la récupèrent, ils la rejettent, ils la récupèrent. C'est assez rigolo à voir. Et donc voilà pour ce rituel, en tout cas c'est très beau à voir, c'est super coloré, le costume il est juste magnifique, que j'ai trouvé pour l'illustrer de manière musicale. Merci Nanou, heureusement qu'on est deux. Hein. Alors, donc j'ai trouvé de la musique traditionnelle du Kerala. Donc, qui se rapporte à vraiment des musiques rituelles. Hein. Donc, ça s'appelle Chempata Melam. Et donc, je vais vous laisser écouter. Donc, dans cet ensemble, on retrouve 45 Shenda. Shenda, c'est des percussions à tonneaux à deux pots. Il y a 15 Kuzla. Donc, c'est des flûtes. Donc, ça peut être soit des flûtes traversières, soit des genres de hautbois. On retrouve 17 kambu, donc c'est un vieil instrument, c'est un peu genre un cor, quoi. Et 30 ilatalem, donc qui sont des petites cymbales. Et donc c'est des rythmes entre 8 et 32 temps. Alors je ne sais pas s'il y a des musiciens qui nous écoutent. Mais quand ça change du 4 temps et du 3 temps. Quand on passe à 32 temps, ça commence à être déjà pas mal. Hein. Donc je vous laisse écouter Chempata Melam. Thank you. Et voilà pour Chempata Melamba. Alors la musique, elle dure 13 minutes 36, hein, mais comme on est un petit peu pris par le temps, on va passer à une autre musique. Celle-ci, en fait, c'est plus moderne. Je me suis dit qu'on allait finir sur une petite touche un peu plus moderne. Donc ça, c'est un mix de musique traditionnelle indienne et de musique actuelle, si on peut dire. Donc je vous laisse écouter, ça s'appelle Indian Trap. We'll be right back. Et voilà, je m'arrête aussi sur celle-là puisqu'elle fait 45 minutes. Donc bah voilà, hein, vous étiez toujours en direct de la radio Guémozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. Donc aujourd'hui, il y avait Nanou et moi-même. Nous espérons que ce voyage dans le nord de l'Asie, en terminant par l'Inde, vous a plu. Ce voyage sonore aux influences chamaniques. Et toutes les références sur notre page Facebook et sur la page de Radio Guémozo. Et sur, bien sûr, oui, la page internet, oui, Radio Guémozo. Parfait. Donc voilà, on est tout bon. On a fini presque même un tout petit peu en avance. Ou alors, est-ce qu'on se met quand même... Ah ben non, j'ai tout quitté. Trop tard. Eh ben voilà. Eh ben, on se donne rendez-vous jeudi. Ça sera le quand jeudi le ça deuxième... sera au mois d'avril, le deuxième jeudi d'avril. Voilà, on n'a qu'à faire ça comme ça. À 10h du matin. Pour une spéciale Cultivons nos passions. C'est tout à fait ça. Eh ben, merci à toutes et à tous. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain. Des gros bisous et belle journée ensoleillée.